Eh oui, épanouissons-nous à CKRL pour le temps d'une errance rénaldienne. J'espère que tout va bien. On est prêt à partir. Jean-Luc, es-tu prêt à partir? Oh oui, ça fait 22 ans que j'essaie de partir, mais elle est plus capable. Comment ça, elle est plus capable? Ben, elle essaie bien de partir, mais il lui manque l'essentiel. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'essentiel? Ben, l'essentiel! Je mets de l'eau dedans depuis 20 ans. Avant ça, ça fonctionnait à l'essence, mais ils m'ont dit, rajoute de l'eau, tu vas voir, dilue. Et puis, ben, plus je dilue, plus je me rends compte qu'il n'y a rien à faire, elle veut pas partir. Ouais. Mais ça ira mieux peut-être si vous rajoutez de l'essence. Ouais. Mais j'ai plus les moyens financiers, voilà, là. Tout a sauté là-dessus, là. Qu'est-ce qui a sauté? Ben, le moteur a sauté. Hein? La tête a sauté, et ça c'est la mienne. Les joints ont sauté. Hey, heureusement, je me suis pas mis à en fumer. À fumer quoi? Ben des joints ont sauté. Les roues, hey, de l'eau, c'est plus fort, c'est plus lourd que de l'essence. Voyons donc, l'eau est plus lourde que l'essence. Ben, c'est si j'ai écouté toutes les informations que Uber Rive m'a dit, c'est que l'eau, hein, c'est pesant. Et l'essence? Ben, l'essence est volatile. Oh! Ouais, mais lorsqu'il fait chaud et que les lacs, hein, sont suctionnés par la chaleur du soleil, qu'est-ce qui arrive? Ben, il y a moins d'eau. Ouais, mais c'est ça. Alors, l'essence? Ben, l'essence, elle, a pas de chaleur. On voit comme un léger fumet. Oui, et ensuite? Mais ensuite, mais ça part, là, la machine peut partir, mais pas d'eau. Ah ouais, ça c'est, ouais. Ouais, ça je comprends très bien que votre eau, si vous en balancez dans votre moteur, ça fonctionne pas. Mais non, ça a jamais fonctionné. Même ma femme m'a dit, t'es un ego. Un ego? Ben, un imbécile. Puis là, elle m'a dit, c'est pour ça qu'elle m'a marié. Oh, là, il y a un petit témoignage devant le micro. Oui, un petit témoignage devant le micro, une petite larme aussi, hein. Enfin, les lunettes sur le bord de la langue française et le crayon planté au milieu des métaphores, le voilà rendu mobile, l'excentrique exalté, l'artisan écarté aux quatre coins des mots, au bout des virgules, près du point final, et c'est l'errant rénaldien! Ouais. Monsieur le Président, je me monte le micro. Est-ce que je peux me monter le micro? Monte-le comme tu veux. Ah, je m'entends, là. Monsieur le Président, qu'est-ce que tu fais? Comment tu ressens ça, t'entendre, là? On peut-tu fermer la... Y a-tu le... Oui, c'est les écouteurs. Oh, mon Dieu, fermons les écouteurs. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques. Catholique ou cathodique? Cathodique. Ah, là, aujourd'hui, on est rendu dans une société plus catholique, mais cathodique! On veut plus rien savoir du catholicisme. Mais donnez-nous des écrans, on va en voir des filles! On va en voir du monde virtuel, puis on en aura le bol, on ferme l'écran, on y en a plus! Tandis que les amis, ben là, sont rentrés chez toi, sont assis, ils ont débouché deux, trois bières, puis là, même si t'y trouves emmerdant ce soir, tu peux pas les mettre dehors. Tandis que devant ton écran, tu peux fermer le bouton pis dire « c'était fini! » C'est fini cet univers-là, je m'en vais me coucher! Parce que là, ce soir, vous vous dites, oh mon Dieu Seigneur, Rachel, on le sait, Rachel, ça va pas bien dans ta vie. Ça fait deux gars que tu rencontres, puis ils veulent pas te rencontrer plus, ils veulent pas aller plus loin dans cette rencontre, peut-être intime. Mais arrête, là, ben ça pleure, puis là, ça pleurniche, puis on veut quand même être gentil, puis on les garde. On les garde à la maison. Puis à la fin, là, on débouche plus. On dit, veux-tu de l'eau, là? Il reste juste de l'eau, ben, ma belle-fille, là. En veux-tu de l'eau? Ah, oh, ben là, il y a assez de larmes dans mon verre. Ben là, avec deux, trois glaces, ça va faire du bien, hein? Un bon verre de larmes. Un verre de larmes dans le vent du soir. C'est des classiques, hein? Noyant ma peine et mon désespoir. Avez-vous remarqué quand j'ai pas les instruments, je bats du pied? Ah, je pensais que tu battais de l'aile. Non, mais ça, c'est à la fin de l'émission, ça. Oh, c'est un peu comme les kamikazes. Les kamikazes, les gens dans les avions, oh, c'est là que tu dois atterrir, là, tu dois, mais non, pas atterrir, mais tu dois foncer, là, parce qu'ils atterrissent pas, c'est leur mission, de se tuer en vol, au vol, puis là, c'est ce qu'ils font, hein, là, ils regardent, là, puis ils voient la cible, là, en bas, il y a en haut, c'est pas en bas, c'est en haut, les vierges, en bas, il y a plus de vierges, premièrement, là, avez-vous déjà vu des vierges en bas? En 2010, y a-t-il encore des vierges? Ben, Mais c'est ça, arrête de patiner, toi, il n'y en a pas de vierges. Ils sont en haut. Mais voyons donc, Mère Teresa. Ah, oh, mais est-elle vierge? Ben là, hey, arrête-toi, dis-nous pas qu'elle n'est pas vierge, c'est une mère, une greffée sur la religion. Oh mon Dieu. Elle est agrafée. Ah, et plus qu'agrafée, elle a eu 3 légions de bonheur. Oh, pas des légions de bonheur! Quel bonheur! Oui, monsieur le président, mesdames, messieurs avant, pourquoi pas les... Premièrement, là, ça manque de protocole, car on doit commencer par les dames et terminer par les messieurs. Mesdames les voluptés, monsieur le président, monsieur les patro-catholiques... Et les pas trop cathodiques, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule depuis le début? Depuis le début, hein? Le ridicule! Ça va te tuer un jour, mon champion? Peut-être. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénald Gagné. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Don't need to be persuaded. Êtes-vous méchant? Non, non, non, je suis enrhumé. Hey, allez-vous faire ça longtemps? Bon, on m'a dit là pendant encore 2-3 ans, puis après ça, ça devrait être la fin. La fin? Ben, la fin du... Aujourd'hui, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot ou au ciboulot. Confions la boussole aux... Comment ça, t'as eu un arrêt? Ben, en même temps, là... Mon cerveau s'est mis à réfléchir. Ça fait mal! Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Quand on vous repousse et qu'on se sent comme Cyrano, Cyrano, Cyrano. Il est au dehors et triste en dedans. Mais la vie est faite de justice. Elle avait vieilli, elle aussi. Et monsieur, hey, c'est des beaux souvenirs, ça. Laissons sur la chaussée, on le dit, oublions le quai. Nous placerons, non, hein, on faut pas dire ça avant, là. Tu suis ta trajectoire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi là, je suis pas un kamikaze, moi y a pas de trajectoire, c'est une errance, alors je zigzag. Mais continue ton zigzag, je sors de zing zing, lâche le zing zing. Ça fait combien de temps que tu joues avec tes zing zing, toi? Oh zing zing zing, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, blasé tout l'an de vieille, ah fait s'en vont pétant, ah ouais, ma petite humain, ah ouais, ma petite tête, ah ouais, ma petite tête. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction, oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Nous placerons cette semaine sous les projecteurs le groupe cher à l'émission Errance Rénaldienne, Fantomas. Vous avez la chienne? Hey, t'as-tu la chienne, ma Gertrude? Hey, oui, c'est Macaire! Macaire, lâche-moi, Macaire! J'ai pas, Macaire, la chienne, la grosse chienne, là! C'est une fox terrier, mais qui a tellement grossi qu'on dirait un puma! Puma, Macaire, puma! Elle pleure. C'est normal, t'as traite de puma. Elle pleure. Ben oui, ben arrête de la faire brailler. Flatte-la. Ben non, elle va me manger. Ben oui, c'est pas un monstre, là, là. Tu vis un... c'est une vision fantomatique de la réalité. Just don't know why. But you know, honey, always, always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. Oh, honey, welcome back. Don't you know? And ain't nobody ever gonna love you the way I try to do. Who take all your pain and your heart and tear. And if you need me, you know. Trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. Or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on. Lumière, éclair de génie, stratégie positive qui active l'ivresse quotidienne, la folie qui se lie au plaisir de vivre. Errance Rénaldienne demeure une émission atypique qui se distingue. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de votre animateur préféré, Rénal Gagné, qui s'anime et s'enflamme avec fougue depuis bientôt 5 ans. Ça fait combien d'années tu dis bientôt 5 ans? Oh, ça fait des... Moi et mon petit garçon, à l'époque, on posait même pas la question, hein. On honorait le propos du patriarche. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Les vieux sont plus écoutés, ils sont mis dans des hospices. On les enferme à double amour. On oublie le double amour, on les enferme tout court. On les appelle plus, on dit pas, hein, on dit pas les petits enfants. Ouais, papy, comment ça va, mon papy? Ils s'en balancent, ils s'en vont jouer dans les tibodecs, les tinonecs, ils s'en vont s'amuser. Ça va fumer de la gars, de la mode, de la néant, ils vont fumer de la bière, boire de la drogue, oui, ils nous laissent triquer du sel, à notre hospice, on se baisse, on se dit c'était le bon temps. La patate coûtait 2 cents, pis le coke 1 cent, on était payé 5 cents, pis ça valait pas une maudite scène. Aujourd'hui, on est payé 9 piastres de l'heure. On paye une patate 3 piastres et demie, une liqueur 2 piastres et demie, on rote, on pète, pis on n'est pas heureux. C'est ça la différence. Excuse-moi. C'est l'émotion. Monsieur Gagné, oui. Venez vous plier à nos exigences. Oh, monsieur! Gertrude, est-ce que je devrais plier aux exigences de cet individu? Ben moi, à ta place, ça dépend, là. Je dirais non, rapidement comme cela, là, en le regardant tout droit dans le haut-parleur, parce que ça... Monsieur Gagné, venez vous plier à nos exigences. On se plie pas à vos exigences, ici, à Errance Rénaldia. C'est une émission anarchiste! Pamphlétaire! Quelquefois humoristique, des fois on cherche l'humour comme on cherche l'amour. Ça t'est arrivé, ma belle. Oh, c'est moi, ça c'est moi. Oui, monsieur. Cours pas, toi là, tu vas te crever un œil. Ça a pas été remonté, ça là, hein. C'est comme une belle voiture des années 70. À un moment donné, il faut resserrer les vis, ma belle. Qu'est-ce que t'as à dire contre ça, ces belles vis-là? Ben, c'est... Ça manque un peu de... Hein? Qu'est-ce que tu... Quelle est cette... Onomatopée? Eh, monsieur, quel quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, remonte-toi un peu, là! Fais comme tout le monde, là! Prends les mesures et redresse-toi! Alors, c'est ça. L'errance rénaldienne demeure, on l'a dit, vous pouvez devenir membre de cette transmission auditive grâce à Facebook. Il suffit d'entrer errance rénaldienne sur le moteur de recherche de ce réseau social et vous serez ainsi instantanément membre. Mais comme j'ai voulu jamais ne dire instantanément, j'ai dit instantanément adhérent. Parce que je trouvais que ça balançait mal des fois, là, aux petites heures du matin, là, lorsque je fais cette émission-là. Mais là, il est quelle heure chez vous? Ah, ben chez moi, il est 21h08 et 19 secondes. Mais là, on peut pas parler des autres émissions à venir parce qu'il y a eu un statico. Comment? Un statico. On a dit, on met une couche de peinture, on met une couche de statico. Puis après ça, comme le blanc va devenir plus blanc, on va juste mettre une autre couche. Bon, mais là, t'es rendu à 3 couches. Ouais, quand je pense que ma petite fille en prend juste une, elle. Tu dois changer aux 4 heures. Ah, ben oui, mais tout petite, là, elle a 2 mois et demi. Hey, elle dit déjà papa. Elle dit papa, je t'aime, papa. Ben voyons, là, deux mois et demi, elle peut pas dire papa, je t'aime, papa. Ben dans ma tête, hein. Ouais, ouais, mais là, t'as une tête un peu trop endiablée, je crois, parce qu'elle doit faire un un pouce là-dedans, moulet de café. Ah, ben fais-tu ça, hein. Elle va devenir chanteuse professionnelle. Elle va dépasser Laura Magnan puis Céline Minon. Ah, bon, pas Céline Minon. Ah, oui, oui. Elle chantera pas des listes d'épicerie, elle. Je vais y écrire des belles paroles, comme « L'amour, c'est comme une adolescente. Ça cherche. » Ça cherche quoi? Ben, ça cherche. Ça, on sait pas. Hein? Ils sont au niveau de recherche préventif. Jusqu'à la fin de leur vie, à un moment donné, elles ont 90 ans, puis elles s'arrangent comme une jeune fluette de 17-18 ans, là. Oh, monsieur. Donc, 1, 2, 3, vos claviers, vous pouvez m'écrire à Rénal Québec, RYNALDQUEBEC, à commercial@mail.com, qui télécharge mes émissions, la Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. Là, ici, maintenant, on va commencer l'improvisation. L'émission n'est pas commencée. Hey, elle débute, là, à cet instant, à 9h, à 21h09 et 59 secondes, à 19h. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Conte ses nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. T'as-tu le Buck? J'ai le Buck et j'ai l'antre. Je brasse le trou. Arrête d'avancer le trou, toi, ça va chanter. Non, le tout. OK, le tout. Alors, le trou pour le tout, on a extirpé de ce bocal, pas si bancal, une phrase. Et première phrase, c'est « Le bar, bien sûr, il donnait sur la piste. » Ben ouais, il donnait sur la piste, mais j'avais dit à celui qui voulait ouvrir ce bar-là à l'époque, il y a 3 ans, « Ouvre pas ça là-dessus, ouvre ça sur la piste. » Tout le monde veut aller uriner dans un bar, puis on trouve jamais les toilettes. Est-ce que vous remarquez que régulièrement, quand on pénètre dans un bar pour la première fois, on demande au barman, excuse-moi là, mais tes toilettes là, sont à quelle place là? Quel endroit se situe le cabinet d'aisance? Là, quand tu commences par le cabinet d'aisance, tu vois le barman, il dit, hein? Cabinet de qui? Des cabinets de... On vend pas de t-shirt, là, nous autres, là. C'est tout légal, là. On vend de la bière. On vend du fort. Ben, il est pas très fort, mais on vend de la vodka. On vend du dry gin, on vend de la tequila, puis on a du spécial sur le rhum, rhum blanc, rhum blanc, rhum brun, rhum jaune, rhum vert, rhum brun, rhum brun, rhum brun, rhum brun, rhum brun, rhum brun, rhum brun, rhum Je vais vous en prendre un verre de ça. Ça leur est très bon. Avec une glace ou pas de glace? Deux glaces, hein, je suis avec mon épouse. On va diviser ça. Si vous pouvez nous donner un verre vide et un verre plein. Oh, on connaît ça. Vous êtes un homme de bon marché. Ben, je l'ai pas encore fait, là, mais je vais aller faire mes courses incessamment. Dites-moi pas des phrases comme là, souterraine. Moi, je ne suis qu'un barman. Oui. Alors, je vais vous en prendre un verre comme ça, s'il vous plaît. Avec deux glaces? Deux glaces. Puis un verre vide? Un verre vide. Ah, oh, d'accord. Alors, moi, vous brossez ça. Premièrement, vous prenez... attention, Jean-Luc, veux-tu m'amener le liquide? Monsieur Gagné, venez vous plier à nos exigences. Nous plierons incessamment, mais maintenant, on va faire le drink en question. S'il vous plaît, veux-tu m'amener? Ferme ta bouche! On pourrait dire autre chose, mais comme on est à la radio de CKRL, on peut pas dire ferme ta bouche, on peut dire ferme la. S'il vous plaît. Fais place la fermeture éclair sur cette ouverture où les mots semblent aussi étranges que l'individu qui est devant moi. Alors, peux-tu m'amener les petites huiles essentielles pour faire ce petit cocktail? Alors, on met deux glaces, attends, c'est deux glaces, deux petites glaces, et c'est comme ça. OK. Amène le champagne deux ans de vieillesse, s'il vous plaît. Champagne deux ans de vieillesse, ouvert depuis 3 ans. Il est ouvert, ouais, ça pétille plus, mais c'est pas grave, c'est pour le drink, ouais. Bon, comme ça, ici. Et puis, la vodka, du rhum blanc, rhum brun. Crème d'amande, verte, c'est pour faire de la couleur. C'est tellement beau, la couleur, dans un verre. Le goût, c'est pas important, c'est la couleur. OK? Et on brasse. Shake, shake, shake a will, shake, shake, shake a will. Hey, ça fait plus que 2 onces, ça. Shake, c'est pas grave, brasse. Shake, ça fait au moins 20. On boira le reste, c'est pas important, là. On perd pas ça, nous autres. En plus, on dit qu'on est équitable, alors soyons équitables pour tout le monde, hein. Le client va payer le plein prix, puis le barman va profiter du reste. Shake, shake, shake it well. Oh, qu'est-ce que c'est dans le verre? C'est le verre, ça. Ah, c'est bon, hein? On refait le verre encore. Hey, on a celui, brutiste. On peut-tu l'appeler comme brutiste? Bon, moi, je suis un abruti brutiste. OK, l'abruti brutiste, bravo, hein. Vous êtes, est-ce que vous pouvez refaire le... Oh, hey, on a le budget financier. Comment vous coûtez, vous? Ben moi, c'est au bruit, hein. C'est 25 piastres, le bruit. OK, refaites le plus. Non, on a compris, c'était gay. Ben, c'est pas comme ça, c'est... Non, hey, ça compte pas, cela, là. Mais pas ça, je te paye, mon écœurant. On va te frapper, puis tu vas voir comment ça va finir, tes affaires. Tu vas finir en tour de l'eau, comme la majorité des brutistes. Hey, voyons donc. Là, tu m'as fait croire que ça compte pas, ça. Ça comptera pas, boss. Bon. Ça a jamais compté. Ça a jamais compté. Je compte pas là-dedans. Compte pas là-dessus. Compte pas là-dessus non plus. Hey, voyons, on va se faire avoir une autre fois. Fais-nous là encore le bruit gratis, voilà. Go. Bon, que c'est gratis, ça? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, gratis. On paye pas une maudite scène? Pas un sou. OK. Alors, on y va avec ça. Oh, attends. Le bruit, c'était le début. Fantômes, calmez-vous. Sortez le diable là-dedans, sinon la machine va fermer. Le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, les gens qui écoutent, ils se rendront jamais à la fin. C'est un malade. C'est une émission qui font... Est-ce, le titre de cette nouvelle-là, est-ce un métier d'écrire? Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, dollar bills, 'cause swirling in my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need. Babe, I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet then and take you down deep where it's hot, hot in the radio, baby, then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we dream it, seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Le cabinet d'errance, un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à l'instant. Le cabinet d'errance, sur un souffle, une phrase, voire même un adage, débutera une étrange structure narrative. Allumons-nous cette semaine avec ce slogan rénaldien. La noirceur nuit à la nuit. La noirceur nuit à la nuit, parce que l'on dit régulièrement que tous les chats sont gris. Si t'en vois des blancs, des roses, des verts, des jaunes, des oranges, c'est pas normal. Tout le monde est gris la nuit. Tout le monde est grisé par l'absence de couleur. Tout le monde veut trouver son côté splendide. Tout le monde abuse de la réalité nocturne, mais il n'arrive à rien, car le soleil se relève, puis le soleil amène le côté véridique de l'existence. Donc, tous les individus qui se sont cachés sous la couverture nocturne se trouvent dans l'obligation de rayonner malgré tout. Sauf les vrais. Les gens qui se couchent dans leur cercueil et qui se relèvent à la noirceur, mais ça, c'est une autre réalité que l'on ne peut pas exploiter maintenant car on n'a pas le temps. Elle dort au milieu des serpents. Sous la tonnelle, près des marais. Les yeux au-delà des diamants. Qu'elle a incrusté dans ses plaies. Elle dit c'est pas Saint-Augustin. Paganini, encore moins. Ça semble étrange, mais je la crois. J'ai rien entendu par ici. Depuis des siècles, ma mémoire au fil des brouillards et des nuits. Dans les ombres du soir, là-bas plus loin coule une rivière qui nous sert de démarcation. Enfin, je veux dire, pendant les guerres, quand on a eu une occupation, les spectres des morts lumineux se promènent la nuit sous les saules. Est-ce qu'oublie de faire un vœu? En perte soudain leur self-contrôle. On les retrouve collés à la pluie. Depuis des siècles, ma mémoire au fil des brouillards et des nuits. Se perd dans les ombres du soir. J'ai vu pas mal de filles tomber souvent là-bas du haut du pont. Et faire semblant de se noyer. En chevauchant leurs illusions, elle me fixe tendrement. Elle caresse un aspiédi. Rien vu de tel depuis longtemps. Oh non, rien de tel, mon ami. Pas vu de telles orgies ici. Depuis des siècles, ma mémoire au fil des brouillards et des nuits. Se perd dans les ombres du soir. Au souffle brumeux des vipères, elle me montre du doigt la sphaigne. Où triton salamandre en guerre. Se bat au milieu des châtaignes. Tu sais déjà, me murmure-t-elle, qu'il faut séduire pour mieux détruire. Et dans un geste et des bruits d'ailes. Elle disparaît dans un sourire, puis elle revient, elle me poursuit. Depuis des siècles, ma mémoire au fil des brouillards et des nuits se perd dans les ombres du soir. Oh, elle joue avec ses serpents. Sous la tonnelle, près des marais, mais ses visions ne durent qu'un temps. Et le temps lui-même disparaît. Les heures se courbent dans l'espace. Et tourne autour d'un monde ancien où les lunes s'estompent et s'effacent en glissant sur un flux sans fin. D'aucuns en cherchent la sortie. Depuis des siècles, ma mémoire au fil des brouillards et des nuits se perd dans les ombres du soir. D'aucuns en cherchent la sortie. Depuis des siècles, ma mémoire au fil des brouillards et des nuits se perd dans les ombres du soir. La noirceur nuit à la nuit. Parce qu'on s'ouvre à trop de choses pour en oublier le reste. Lorsqu'il y a une lumière qui nous arrive en plein dessus à 6-7 heures du matin, on aimerait revoir ce côté sombre. De 2-3 heures du matin, on ne veut pas voir la lumière du jour parce que la lumière reflète, comme je le disais, la réalité. Et on essaie de la fuir la nuit, cette réalité-là. Lorsque vous voyez des gens underground qui déambulent le jour, ça se voit pas une prostituée le jour, ou très rarement. La nuit, c'est visible, et même pour certains, irrisible. Je connais des fonctionnaires qui ont abandonné leur emploi pour vivre une vie underground. Ils se sont malheureusement inclus dans cette structure fataliste qui est le suicide. Ils se sont tués parce qu'ils voulaient vivre un petit moment explosif de la réalité qui n'était qu'attribué aux gens qui étaient dans ce milieu-là depuis des années. On peut pas s'improviser là-dedans. On est des vrais ou on est faux. La nuit, tu peux reconnaître un vrai nocturne. Tu peux facilement le voir. Tu peux le cataloguer très, très, très, très facilement. Les faux culs sont là présents parmi les véritables noctambules. Ah, ça, c'est facile. C'est facilement défrichable. Il n'y a pas besoin de scan, pas besoin de GPS. Non, surtout pas de GPS. On ferme tout. On s'offre toute l'extravagance pendant cette période. Il fait noir à soir. Oui, il fait noir. Profitons-en parce que lorsqu'il fera jour, il faut rentrer dans cette normalité-là. Et qu'est-ce que la normalité? C'est le quotidien que l'on tient à fuir la nuit. À 100 000 à l'heure sur la route, démaquillé sur une 750 cc. On pense à rien, on parle à ça ou d'en avant. Où tu prends la courbe, où y'a personne qui t'attend. Des bras par devant, des bras par derrière. La tête en fibre de vert bleu, vert bleu. À 100 000 à l'heure sur la route en. Il y avait au niveau des deux carburateurs. Demain est à fleur de macadam et de caoutchouc. Le beau moment, on va avoir peur et aller jusqu'au bout. Le feu, le vent, le son des deux. Y'a des pensées qui pardonnent beaucoup. Comme un peuple donne la vie immuablement. Comme il la reprend sur la hausse dans son immobilité. Des bras par devant, des bras par derrière. La tête ailleurs, il fait beau. Modéré dans un champ de blé. On l'a dévalé. À 30 000 là, on s'est trouvé à tout voir de plus près. Pendant que nos chevaux. Bonjour le jour, bonjour le ciel, bonjour les yeux fermés. Son bras dans mon cou, ma main sur ses jambes. À 0 000 à l'heure, y'a des pensées. Qui pardonne pas beaucoup. Comme un besoin de s'arrêter. Bonjour le jour, bonjour le ciel, bonjour le pain de blé. Tous les trois tout nus. Tous les trois ensemble. Sous le peuplier. À 600 000 à l'heure sur la route, les portes s'ouvrent et les oiseaux s'envolent. À 600 000 à l'heure sur la route, le bout du monde est à portée de soi. Le dimanche en plein été, les maisons sont comme des actes de thé. Et de 1, et de 2, et de 1, 2, 3, et... Vélo va, vélo vole. la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion, beau wagon, belle station, beau train à très grande vision, bel avion, belle fusée, belle station espacionnée, belle colcose de spationose, bel espace de cosmos rose. Vélo va, vélo vole, la voie va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Belle moto, beau mécano, Spiderman, Superman, belle bécane à arbre à cam, turbochrome d'échappement. Vélo va, vélo vol, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Rien ne vole, pédalo, avec pédale et avec son zoo, qui dévale la vallée, avec sandales et avec ses pieds. Belle péniche, beau canot, belle écluse, bon tirando, beau marin et beau matelot. Mais rien ne vaut le vélo. Vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Aujourd'hui, je reçois un groupe incroyablement intéressant, les Têtes de Piaf. Donc, ce sont des auteurs, des compositeurs, des interprètes. Donc, voici les Têtes de Piaf. À vous, mes amis. J'avais 7 ans, cette envie de retourner en récré à l'infini, joyeusement. J'avais 7 ans, cette envie de tartiner ton goûter de vache qui rit sur le banc. 7 ans, cette envie de t'enlacer, de t'appeler ma chérie comme les grands. 7 ans, cette envie d'être le premier à t'aimer et pour la vie, simplement. J'avais 7 ans, cette envie de tout chiper chez l'épicier, pas vu, pas pris, le nez au vent. J'avais 7 ans, cette envie de griffonner sur ton cahier de poésie en verlan. 7 ans, cette envie de t'embrasser, zéro pointé sur ma copie garnement. cette danse, cette envie de t'en donner pour faire danser les jours progrès en chantant. J'avais 7 ans, cette envie de m'envoler, moineau tombé loin de son nid sur le ciment. J'avais 7 ans, cette envie de rigoler et de semer la zizanie en avant. 7 ans, cette envie d'aller graver sur les marronniers de Paris les cœurs géants. 7 ans, cette envie de voyager, de m'évader, de fuir l'ennui en rêvant. 7 ans, cette envie de t'enlacer, de t'appeler ma chérie comme les grands. 7 ans, cette envie d'être le premier à t'aimer, être pour la vie simplement. 7 ans, cette envie d'être le premier à t'aimer, être pour la vie simplement. Toi, le vieux rapace, moi, le vieux rapace dont la carapace n'est plus qu'un manteau, n'est plus qu'un manteau qui tombe et prend l'eau. De toutes mes forces, car sous ton écorce je te sais à nu, je te sens perdu. Je t'aime. Toi, l'oiseau sauvage, l'oiseau de passage, toi qui me ressembles et dont les mains tremblent. Malgré tes blessures, ton regard si dur, toi l'oiseau blessé, moi, l'oiseau blessé, écorché, l'oiseau écorché, je t'aime, moi, toi le vieux rapace dont la carapace n'est plus qu'un manteau qui tombe et prend l'eau de toutes mes forces, car sous ton écorce, ton cœur endeuillé. J'ai pris ton cœur pour une amphore, j'ai pris ton lit pour tout décor et ton corps pour un sémaphore. Crois-tu que j'ai perdu le nord? La terre est loin, faisons l'amour jusqu'à l'aurore, au moins. J'ai pris ton corps pour une amphore jusqu'au matin, et quand tes lèvres me dévorent, je bois du vin, je bois de l'or. J'ai pris ton cœur contre le mien, j'en deviendrai bien carnivore. J'ai faim, glisse ma peine et mon chagrin au creux de tes reins. J'ai pris ton lit pour tout décor et ton corps pour un sémaphore. Papillon fou, je tourne en côte contre lui quand tu t'endors. Je tourne en vain tel un navire cherchant le port au loin. J'ai pris ton corps comme un trésor, comme un festin. On peut bien s'agiter dehors. J'ai pris ton cœur pour une amphore. Faisons l'amour jusqu'au matin. Si par hasard venait la mort demain. J'ai pris ton corps comme un trésor, comme un festin. On peut bien s'agiter dehors. J'ai pris ton cœur pour une amphore. Faisons l'amour jusqu'au matin. Si par hasard venait la mort demain. Hey, c'est bizarre, je demande ça parce que moi je fais des improvisations. Et j'appelle ça le royaume de l'improvisation. On choisit un mot, les gens me donnent un mot, et je fais une improvisation. Ben, je choisis une personne avec le mot sans que je le sache, je le prends au hasard, là, je fais pas un choix. Et par exemple, on peut dire slip, donc, parce que je vois slip français. Quelqu'un m'envoie le mot Geneviève Laurier, slip. Et là, je fais une improvisation, et si l'improvisation fonctionne et j'arrive à rentrer en transe, bien, il va rentrer dans le château symbolique de la francophonie, le mot slip. Alors, c'est ça. Alors, pour moi, je fais des... C'est rigolo. C'est pas éloigné. Non, mais c'est ça. Alors là, les gens vous envoyaient des... Des mots. 10 mots. On récupérait 10 mots. Avec ces 10 mots-là, on écrivait une chanson. Et on allait la chanter sous le balcon des gens ou dans leur jardin. Quoi. Ah, j'ai déjà fait ça. Ouais. Mais pas en chanson. Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est chouette. Et là, vous gardez ça et vous mettez un jour, vous allez mettre ça sur 10. Alors, je crois que dans celui-là, il y en a 2. OK. Mais ça, c'est des petites chansons de 2 minutes maximum. Là. Non, enfin... Ok, non. Non, ça dépend. Ok, bon. Ok. Parce que... Ça, il va kiffer, je crois. Il a pas... Ah non, il a pas kiffé du tout, je te jure. Mais tout le monde a goûté, puis c'est assez... Non, mais dites-moi pourquoi. Je pense qu'il imaginait un truc plus glacé. Plus glacé, plus ouais. Sucré. Je vous en fasse un autre. Non, bah non, non, non, non, non. Merci, pas. C'est gentil. Non, non, merci. Est-ce que c'est ton cerise que tu enlèves? Ah oui? Okay. Mais chez nous, ça vient d'arriver aux cerises, hein? Ah ouais, chez nous, j'ai un coca. Mais c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes. Ou les moins jeunes qui veulent rester jeunes. Ouais, mais regarde, moi, je suis un moins jeune qui veut rester jeune. Ah ouais, c'est ça, ouais. No problem. Welcome. What do you want? Ça goûte un boca normal, hein? Moi, je trouve ça pas... Ouais. Bon, il y a un petit goût de cerise derrière, mais... Mais léger, moi j'en avais goûté qui était vraiment dégueulasse, mais là c'est léger, ça. Mais peut-être qu'ils en ont enlevé. Ouais. Les gens se plaignaient, ouais. Et là, on parlait ouais, des 10 mots, un texte, ouais. Une chanson. Et là, tu vois, par exemple, Nos colères, nos espoirs, c'est ça. Et il a au fond des yeux. Il a au fond des yeux aussi. OK. Et en fait, on n'a pas lâché ce projet parce qu'on l'aime bien. Oui, c'est super. Et là, dans notre coin, on continue à le faire. Là, demain, par exemple, on le fait dans une maison de retraite où il y a un centre aéré qui vient. Tu vois, ça fait un centre de loisirs. Et ils ont donné des mots, les deux. C'est bien. Les enfants ont donné 5 mots, les personnes âgées 5, et on a écrit une chanson avec. Alors, des fois, est-ce que vous les savez ou vous les apprenez là, puis vous faites la chanson là? On va essayer de la savoir par cœur. On essaie de la savoir par cœur à chaque fois. Vous avez les mots avant? Ah oui, oui. Okay. On les a 15 jours avant les mots. Okay, okay. On fait vraiment okay. Un vrai ouais, chanson. Ouais, parce que pour qu'on ait une belle mélodie. Okay. Bah, alors là, on va parler du truc, les mots des enfants et les mots des personnes âgées. Est-ce qu'il y a une différence? Si tu peux les donner. Je pense que, à mon avis... Alors, les personnes âgées, c'est? Je sais pas. Ok. Ah. Avion, pays, ciel, vacances, plage, dépaysement, souvenir, rêve, rencontre, découverte, bateau, punch. Ponche. Punch. Ouais, ou un punch, ouais. Non, du punch. Ouais, un punch, prendre un punch. S'évader et Phileas Fogg. C'est quoi ce Phileas Fogg? C'est un aventurier, le tour du monde en 80 jours. Ouais, ça casse tout, ça doit être un jeune qui a trouvé ça. Ouais, je pense. Mais ça va tout casser la chanson. Et au début, j'ai eu du mal, mais en fait, c'est bien quand t'as des mots un peu comme ça. De... Vas-y, lis la chanson. Non, le pot extraordinaire. Non, mais lis-la quand même. Lis-la. On l'a écrit vraiment vite fait, on a mis 2 jours pour l'écrire. Oui. Je vois passer dans le ciel un tourbillon d'avions, je me sens pousser des ailes de papillon. C'est bon, c'est bien. Je voudrais voir du pays aux quatre coins du grand globe, réinventer ma vie tout comme Phileas Fogg. On l'a passé. Tête dans les nuages, m'évader loin d'ici et bronzer sur la plage en oubliant la pluie. C'est beau. Voilà. Continue. Ben oui, c'est beau. Bah ouais, continue le refrain. La modestie. Je te dis le refrain. Oui, pourtant, oui, je sais, inutile de courir aussi loin, le bonheur est tout près, juste à portée de main. C'est bien. Voilà. Vas-y, non, mais lis le reste, Garonce. Bah lis-le, toi, c'est ton. Non, lis-le, s'il te plaît. Vivre l'été indien, le dépaysement, sortir du quotidien, les cheveux dans le vent. Sur le pont d'un bateau, un petit punch dans un verre, voguer au fil de l'eau en admirant la mer. Sur la route, me créer de nouveaux souvenirs, me sauver, m'en aller, partir, oui, partir. Oh, pourtant, oui, je sais, inutile de courir aussi loin, le bonheur est tout près, juste à portée de main. Je rêve loin des cités de partir en vacances, fallait le placer aussi, et de vagabonder au fil de l'existence. Parcourir la planète pour rencontrer des gens et faire des découvertes sur tous les continents. Je veux aller danser et sous les cocotiers, voir mon cœur s'enflammer sur le sable doré. Oui, pourtant, oui, je sais, inutile de courir aussi loin, le bonheur est tout près, juste à portée de main. C'est déjà en main, c'est merveilleux. Bah, écoute, on a mis tous les mots. On a mis tous les mots. Mais c'est beau. Tous les mots s'embrachent, tous les mots. Voilà, fini ce matin, là, il faut en rentrant se la refaire. Oui, c'est bien. Vous avez l'avance, c'est ça. Ah, c'est ça, et puis... Il y a juste des virgules, mais même pas, moi, je ne toucherai pas. Non, mais on ne touche pas, ça. On a même la mélodie, on a fait la mélodie. Toi, tu sais, c'est pas toi. Ça, elle ne touche plus, là. Non, elle ne touche plus. Non, on touche tous les deux. Non, là, on a plus. En plus, on retouche tous les deux. Puis là, demain, c'est le spectacle. Ouais. Vous faites combien, quoi, 60 minutes, 50? Alors demain c'est particulier, ça va pas être long, okay. Parce que c'est les personnes âgées, donc en fait on va faire 30-40 okay. minutes max. Okay. Sinon c'est 1h20, 1h30, voire ça peut aller jusqu'à 2h, parce que moi... Ouais, parce que moi tu me lâches pas, non, tu vois, c'est clair. Ouais, c'est vrai, quand on fait pour les enfants, on fait 50 minutes. Ouais. Non, mais les enfants c'est certain. T'adaptes, toi, en fonction des... Quand je fais pour les petits-petits, je fais 25 minutes. Ouais. Normalement c'est 20-25, oui, maximum 25. Ouais, 3-4 ans, là, c'est... Mais ils participent, ils frappent dans les mains. Il y en a qui veulent monter sur scène. Oui, je connais, oui. Bah on en a une comme ça, c'est notre fille, tu vois. Ah, c'est bien. Alors, c'est un public avant tout. Bah, écoute, là, depuis 2 ans, elle a 9 ans maintenant. Okay. Elle se mettait au premier rang. Okay. Elle chantait plus fort que nous. On était amplifiés. Hein. Elle était devant et elle chantait plus fort que nous, tu vois. Il y avait des plans, c'était sympa. Et puis, il y avait des plans, on lui disait avant, Myrtille, s'il te plaît, tu chantes pas, tu viendras chanter la dernière chanson avec nous, mais... C'est beau, Myrtille. Rien à faire, quoi. Je connais une amie qui s'appelle Myrtille. Ah ouais. Et du coup, on a monté un spectacle avec elle. Parce que de Prévert. Elle a tellement envie qu'on va y aller. Plein de textes de Prévert et qu'on a monté. On a demandé à lui s'il voulait participer, mais il ne voulait pas. Mais Nino, il ne veut pas, Nino, lui. Nino, c'est un jeune. Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est un jeune. Mais, donc, cet été, combien vous faites de spectacles par année? C'est variable, mais là, on fait... Une cinquantaine? Oh, ils sont passés, ouais, même les 50 ans. Là, cet largement. Été, on fait avec en partenariat avec le département d'Eure-et-Loire, on organise aussi 4 festivals dans 4 villages différents. Donc on joue et on organise. On est 4 compagnies. Donc on fait les concerts, mais il faut aussi organiser toute la logistique. Êtes-vous intermittent? Ouais. Ça fait du bien, hein? Oui. Parce qu'au Québec, ça n'existe pas. Hein? Ah ouais. Ah, il crève de faim. C'est vrai. Quand t'es pas connu, tu crèves de faim. Ouais. T'es obligé d'avoir un boulot à côté, quoi. Ben, la majorité des auteurs-compositeurs interprètes sont cuisiniers ou serveurs. Ouais. Ben, on a une copine qui est au Québec, qui est française, mais qui est au Québec. Ah, okay, mais c'est pas de sa faute. C'est Marion Cousineau. Non, quand même pas. Mais Cousineau, c'est très, très québécois. Tu la connais pas, Marion Cousineau? Non. Faut que tu découvres, c'est extraordinaire. Ah ouais, c'est extraordinaire. Elle est connue, hein, là, dans le milieu de la chanson. Dans le milieu de la chanson. En France, oui, ouais. Aussi. Ah ouais, parce que... Marion Cousineau. Ah, c'est génial. Elle est à Montréal sans doute. Non, je crois qu'elle est à Québec. Hein, oui, mais elle est à Québec. Ouais, je crois qu'elle est à Québec. Ah, ok. Ah, mais je vais aller voir ce film. Ouais, je me sens. Je sais pas. Si elle est à Québec, là, c'est quelque chose, je reste à Québec. Donc on va se rencontrer, ça c'est certain. Je pense, hein, je sais pas. On va regarder sur le Facebook. Ben oui. Tu défailles, la tendresse, tu l'attends, tu l'attends patiemment. Dessinez-moi donc un mot, un mouton. Vous manquez d'ambition. Dessinez-moi donc un mot, un mouton. Vous manquez de passion. Comme les trains qui déraillent au cœur de nos tempêtes, le regard aiguisé pour voir livrer bataille. Mais sur le fil de silence, je me balance, je me balance. Moi je voudrais, loin de toute torpe, d'une étoffe de soie, surpiquée de fil d'or, soulager ta douleur, ne plus porter ma croix, seul dans mon mirador. Mais sur le fil du silence, je me balance. Je me balance, mais sur le fil du silence, je me balance, je me balance. Plus haut des récifs, telle une lourde pierre, faire valdinguer mes mots, et tel un fugitif, tout au fond de la mer, écouter leur écho. Moi je voudrais faire tomber les barrières, voir le fruit de tes mots s'échappant de tes lèvres, et tel un vieux corsaire. M'endormir sur ta peau, voir le vent qui se lève. Mais sur le fil du silence, on se balance, on se balance. Mais sur le fil du silence, on se balance. On se balance. On se balance. Ouais, parce qu'en fait, on participe à un spectacle, t'as peut-être entendu parler, qui s'appelle « L'hiver sera chaud » sur le climat. Et en fait, on est, c'est un chanteur qui s'appelle Mathieu Barbens. Qui a créé ça, et on est... Voilà, à Montréal, par exemple. Et on est 30 artistes, même 45 à avoir participé à l'écriture du spectacle et tout ça. Et on est à peu près 30 à jouer et on tourne. À chaque fois, on est 7. Et du coup, on a rencontré plein de gens, dont Marion Cousineau. Ok, mais c'est pas les mêmes qui tournent. Non, c'est jamais les mêmes. Vous laissez les 40 passer. En fait, pour la création, vous étiez 20, c'est ça, ouais. À peu près. Ok, puis... Et puis maintenant que c'est vraiment réalisé... Et qu'on a fixé aussi voilà, ce qu'on faisait, tu vois. À chaque fois, il y a 7 artistes. C'est bon. Et c'est pas les mêmes à chaque fois, ça permet que le spectacle, il tourne et qu'il y ait une mobilité. Et votre tour, est-ce qu'il est passé? Avez-vous déjà monté sur scène? Ah ouais, plusieurs fois même. Oui, on est monté, okay. Ouais, ça on l'a fait. Plusieurs fois. Et c'est un chouette projet. Et bah, du coup, on a rencontré plein de gens qu'on ne connaissait pas. Avez-vous des gens qui vous demandent d'écrire pour eux? Pas encore? Non, on a C'est déjà arrivé, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Qui ça? Parce qu'on nous a souvent proposé, Il y avait une nana qui nous a demandé un texte une fois, là, tu vois, et on n'avait pas le temps. Oui, c'est possible, une fois. C'est arrivé une fois. C'est plutôt le contraire, c'est qu'on nous propose des textes. OK. Et en fait, nous, on en a déjà tellement qu'on arrive... Enfin, voilà. Pourquoi qu'ils vous proposent des textes? Parce que ça va dans leur idéologie, si vous êtes... Bah, je sais pas, mais en fait, c'est compliqué parce que nous, on est déjà auteurs, donc... Ouais. Et ouais, en fait, quoi, moi. Souvent, moi, je suis pas fermée, je les lis les textes, mais... Ça ressemble pas à nous. Ça, ouais, ça nous correspond ouais, pas ça. Totalement, ouais. Donc, ouais. Comme on n'en a pas le besoin. Avez-vous plus de textes que de musique? Oui. Ah oui. Ah ouais. Et les textes, ça pourrait pas finir dans un recueil de poésie? Si, ça pourrait. Ça pourrait, si, ça pourrait. Après, voilà, il faut... Après, il y en a plein qui demandent Il faut retravailler, voilà. Ouais. À quel moment vous vous dites que la chanson est terminée, on va la placer sur un disque? Est-ce que ça se termine parce qu'il y en a qui sont des besogneux, même c'est une maladie mentale? Eh bien, des fois, c'est parce que tu as l'enregistrement de prévu et que oui. Tu n'as plus le choix. Okay, ouais. Il y a un peu un peu de l'urgence. Et après, non, après, je pense que... En les testant sur scène on est, ouais, on les teste. Alors, toutes les chansons ont été vérifiées sur scène avant d'être ah, ouais, ouais. Ah, ça, c'est bien, ouais. Ça. Ouais, ouais. Ouais, sauf, il y en a une, là. OK. La dernière n'a jamais été vérifiée. Non, ton cœur tout en faïence. Ok. Le monde d'avant, le monde d'après, c'est très particulier parce que c'est une chanson qu'on a écrite avec. C'est Jacques qui joue dessus. Pendant le confinement, on l'a écrit vraiment. Et, donc elle n'est pas dans la même veine que le reste. Okay. Mais on voulait la mettre. C'est un peu un bonus ou un mini. C'est ça. Pour c'est nous, ça. C'était un hommage à Jacques. Parce qu'il est plus. Vu qu'il est parti avec le Covid, c'est malheureux. Comme beaucoup de personnes. Qui se sont fait vacciner? Ouais, ouais, ouais, ça veut rien dire, absolument rien dire. Tu peux prendre une gorgée, je crois. Non, Garance, là, t'as de la... t'as un super truc à côté. Et une fois que vous allez en studio, est-ce que vous faites ça à la maison ou en studio? On fait ça maintenant... On a trouvé un super studio à côté de chez nous qui s'appelle La Boîte à Meux. Parce que ça, ça a la été dur. La Boîte à Meux, j'adore. La Boîte à Meux. À Meux, à Meux, tu vois. C'est... La Boîte à Meux était pas mal. Ouais, La Boîte à Meux, c'est pas mal, mais c'est La Boîte à Meux. Ouais. Et en fait, on a fait plein de studios avant, tu vois. On avait du mal, c'était compliqué au début le studio. Ou par exemple sur cet album-là. Des mauvaises expériences. Je suis en train de parler. Ou sur cet album-là, tu vois, il y avait de la batterie au départ, tu vois. Et le mec, il tapait à chaque fois qu'on disait un mot, il tapait. Donc pour nous, ça ne correspondait pas. Et les mecs du studio, quand ils mixaient, ils passaient 4 heures sur un tome. 4 heures sur un tome, hein, pour avoir le bon son du tome et tout. Et nous, là, au bout de 2 prises, il fait de la façon où vous ne ferez pas mieux. Ouais, c'était un peu relou. Ah ouais? Bah écoute, après, on va s'en aller. Hein. Voilà, et on a rencontré un gars juste à côté de chez nous, et là on est comme à la maison. Et maintenant, moi je veux plus aller ailleurs. Donc, okay. Donc voilà, ces trois-là, ils ont été enregistrés chez Fred à la boîte à meux. Une fois que vous êtes là et que vous placez une chanson, vous travaillez une chanson, à quel moment vous dites j'arrête, on rajoute plus rien? C'est terminé, c'est quand on l'enregistre. Quand oui. À la réécoute, en fait. On... Ouais, puis est-ce après, que ça se termine ou si vous êtes toujours... Non, je pense non que c'est on n'est pas des besogneux. Okay, okay, okay. Si, moi je serais du oui, genre... Voilà. Oui, ouais, mais... Il y a quand même une histoire financière. Oui, c'est ça, oui. Donc ouais. À un moment donné, tu ne peux pas. Ouais, voilà. Ouais. Tu ne peux pas, puis après non plus... Ouais. Puis après, de toute façon, je pense qu'à chaque fois, à la réécoute, quand on réécoute, ouais, et qu'on réécoute après... Et puis après, moi, j'ai appris par rapport à ça, parce que je sais que c'est souvent le premier jet. Tu l'as refait 2-3 fois, mais qu'à un moment donné... À un moment donné, de toute façon, ça ne sert à rien de la refaire 50 fois. Enfin, okay. Ouais. J'ai compris qu'il fallait que je lâche pour okay. Mais une fois que vous avez fait vos chansons et qu'elles sont enregistrées, est-ce que c'est difficile de les placer? À quel moment vous dites que celle-là va aller en deuxième? C'est super difficile. Ouais. Par exemple, sur cet album-là, comme il y a un violoncelle et une contrebasse, et qu'on a, c'est des jeunes, hein, et qu'on a super confiance en eux, et ben on a demandé à chacun de nous faire leur liste, tu vois. Okay. Et nous, on avait fait la nôtre. Okay, ouais, ouais. Ouais, et on a pu comparer. Et on a adapté. Et on a adapté en fonction. Alors, c'est plein de compromis, plein de compromis. Ouais. Et puis surtout, les. C'est pas les tonalités. Lui, par exemple, le contrebassiste, il va faire très attention musicalement, changement de tonalité, tout ça. Alors que nous, non. On va pas, nous fera attention à l'ambiance, quoi. Voilà. On va pas avoir les mêmes. Du coup, on lui a pas mal fait confiance. Ouais, c'est bien. Mais donc, à chaque fois, vous êtes content du résultat parce que vraiment, c'était ce qu'on pouvait faire de mieux à ce moment-là. Ouais, ouais, moi, je pense que celui-ci, Garon, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Après, moi, si tu me poses cette question-là, sur les dernières chansons, il y a des trucs que j'aurais voulu faire mieux. OK. Voilà. Oui, c'est sûr, mais on n'avait pas les. Mais on n'avait pas les sous, Garon. Là, c'est pareil, ça. C'est des chansons que j'adore, mais vraiment. Mais je pense que ça pourrait être beaucoup mieux. Avez-vous pensé éventuellement de faire un disque en spectacle avec le son dans l'environnement? En live, ouais, ouais, moi je veux absolument. Ben oui, parce que ça donne la... La tonalité. Oui, exactement, ouais. Et surtout la sonorité. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi j'ai absolument envie de le faire, mais faire un live, ça demande plein de dates. Avec toujours le même sondier qui te suit, avec le bon matos. Tu peux pas le faire comme... En one shot. Ouais, mais tu peux être déçu en one shot, tu vois, des fois, tu peux être déçu. C'est là, tu vois, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça aussi, peut-être, l'adrénaline que ça peut... Mais deux soirs, normalement, c'est deux soirs. Ouais, c'est deux soirs, tu vois. Deux soirs, c'est pas mal. Non, mais deux soirs, ça se fait facilement. Ouais, ça se fait facilement. Ouais. Tu sais, dans la même salle, même endroit, quand c'est fermé, c'est pas... Au Limonaire, si c'était encore ouvert, on l'aurait fait là-bas, tu vois, mais... Pour que ce soit un endroit que tu connais bien, tu sens, tu sais. Oui, je viens très fréquemment. Jamais été plus calme. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, c'est ça. Quand vous faites un album, est-ce que vous savez à peu près combien de chansons vous allez placer ou c'est selon votre humeur? Ou... Ouais. On savait déjà à peu près, ouais, combien à chaque fois. On savait à peu près. On essaie toujours d'en placer le plus possible, tu vois. Ah, oui. Entre 15 et 15, quoi. Ouais, là, on en a lâché 2-3 qui n'étaient pas totalement finalisés. Qu'on n'a pas apprécié, on les a lâchés, mais moi, j'aime bien... on les vend 10 balles, tu vois, on les vend rien du tout. On les vend 10 balles à la fin du concert et on en vend vraiment beaucoup à la fin de chaque concert. C'est bien, c'est bien. Et j'ai envie que les gens ils repartent avec toi. Et, généralement, le mec, il m'achète un CD, j'en offre un deuxième. Ah ouais, tu vois. Moi... Exactement, mais vous avez raison. Et puis voilà, c'est pour que tu découvres ce qu'on fait vraiment, et puis que tu fasses découvrir d'autres gens. Mais en tous les cas, je pense que la musique, c'est comme un livre, tu vois, c'est des trucs qu'on va partager. C'est quoi. Du donna-donna. Écoutez-le, on va vous le vendre, mais pas cher. C'est ça. Ouais, ouais. Est-ce que vous êtes aussi inspiré au début que maintenant? Ouais. Ouais, ouais, on a moins de temps. Ouais, c'est ça, le temps. On a des gamins. De ouais, c'est ça. C'est, ouais. C'est chiant. Bah, ils grandissent, ouais. Là. Tu sais, le machin avec deux pattes et qui mange beaucoup, qui boit du coca, ouais, machin, ouais, tu vois, ces trucs. Mais avez-vous des boulots alimentaires ou... Hein? Des quoi? Un boulot alimentaire. Non, le boulot élémentaire, c'est alimentaire. Élémentaire, on fait que ça, tu vois. Ok, c'est ça. On a une caravane aussi, saine. C'est bien. Il y a deux jours, on le fait avec. On y est le week-end prochain encore. Vous trouvez n'importe où, puis vous ouvrez votre caravane. Ouais, c'est ça le projet. Un cerceau, un jeu de qui en bois, un cerveau avec un petit poids, des ciseaux et puis un fil de soie, un créneau, un instant avec toi, un tambour et une baguette cassée, troubadour. Aux vieilles chaussures usées, à rebours de tout ce temps passé, mon amour, je veux encore un baiser. désir qui me laisse sans voir. Sur la rive, juste en bas de chez toi, l'heure tardive qui t'invite toutefois à poursuivre cette danse avec moi. Je m'appuie sur le rebord du monde, parapluie sous le tonnerre qui gronde. Moi j'essuie les gouttes sur la map monde. Je m'ennuie de toi chaque seconde. Jongle avec les mots, ça s'entête à tout vouloir plus beau. Une pirouette et un double salto, tout s'arrête quand tu me tiens plus chaud. Un secret tout au fond d'un carton, des regrets qui s'effacent au chiffon. Te chanter ma chanson, je voulais juste te chanter ma chanson. Je voudrais pas que ça s'arrête dans notre joli camion. Je veux repartir faire la fête. Je veux chanter nos chansons, les chanter à tue-tête. J'oublierai un instant, j'oublierai ces promis, que mes cheveux sont blancs et que les tiens sont gris. Sur le sentier cabossé, parsemé de cailloux, contre vents et marées, on ira jusqu'au bout. Accroché des je t'aime, nos refrains désuets, de nos vies de bohème, et faire ce qui nous plaît. J'oublierai un instant, peut-être jusqu'à demain, ces vieilles blessures d'enfants et ce foutu chagrin. Dans notre joli camion, allez viens petite sœur, on repart pour de bon. Allez viens n'aie pas peur, sur les routes on ira, fragile et insoumis. On ira toi et moi vivre de poésie. J'oublierai un instant, j'oublierai cette promis, que mes cheveux sont blancs et que les tiens sont gris. J'oublierai un instant, peut-être jusqu'à demain, ces vieilles blessures d'enfants et ce foutu chagrin. Dans la tête, allez viens petite sœur, je voudrais pas que ça s'arrête. Une valise sous les pieds, je veux rêver encore, partir et m'envoler, chanter avant d'être mort. J'oublierai un instant, j'oublierai cette promis, que mes cheveux sont blancs et que les tiens sont gris. J'oublierai un instant, peut-être jusqu'à demain, cette vieille blessure d'enfant et ce foutu chagrin. J'oublierai, j'oublierai, j'oublierai, j'oublierai, j'oublierai, j'oublierai, j'oublierai, j'oublierai, j'oublierai. Parce qu'en fait, nous, dans notre coin, on joue beaucoup dans des salles de fête qui sont pas toujours très jolies, tu vois. Et du coup, bah, en été, c'est quand même plus sympa d'être sur une jolie petite place de village. Non, à l'extérieur. Voilà. Ben oui. avec tout ce que ça peut amener comme, comme quiproquo. Comme rencontre, comme ça. Comme intérêt, oui, c'est ça. Ben oui, ben oui. Donc, ça vous nourrit beaucoup. Vous êtes plutôt des gens de scène avant d'être des gens de studio. Oui. On n'est pas des gens de studio. Non, pas du tout. Le studio, c'est par la force des choses. C'est pouvoir se faire connaître. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et, avoir, et laisser une trace. Mais, ouais. Bah, on est content. Pour la première fois, on, est dans le, on a été dans le réseau Quota. Ouais, c'est bien, ça, ce réseau-là. Ouais, ouais, ouais, c'est bien. Mais votre disque, ça fait pas si longtemps. Ça fait, même, ça fait un an. Non, même pas. Même pas. C'était là. C'était quand? C'était. Putain, je n'ai même pas la mémoire des. On est quand là? On est en juin? C'était en février. Okay, okay, au début de l'année. Ouais, ouais. Ah, mais j'étais ici, on aurait pu se rencontrer, ça aurait été très très chaud. Peu importe, bon, c'est pas grave, j'y suis. Hein. Hey, j'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Hein? J'ai 10 questions et on va voir si vous avez la même. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. De l'eau. De l'eau. J'en sais rien, moi. Toi? Un sirop de sirop. Ah oui, c'est vrai. C'est très bon. Si tu étais une ville. Paris. Toi? Oui, Paris. Mais quel arrondissement? 18. Ah oui, ici vous aimez ça. Avez-vous déjà vécu ici? Oui, bah, on est né à Paris. Je suis né dans le 14e. Elle est née dans le même hôpital que moi. J'ai vécu dans le 13e, dans le 18e et dans le 19e. Moi, j'ai vécu à Châteaurouge toute mon enfance. Ah oui, ah oui. Alors, c'est un retour aux sources, ici? Un peu, ouais. Ah, c'est bien. Alors, vous connaissez? Ouais, ah, ouais, ouais. Très, très. Ouais, on a du mal à reconnaître, même, tu vois. Ouais, ça a changé. Ça a changé. Il y a, plein, il y a de plus en plus de misère dans les rues. Ouais, il y a de plus ouais, en plus de. La violence, la vie. Ouais. Si tu étais, on s'en rencontre. Ouais. Ici, maintenant. Hein? On s'en rencontre, là, là. Ah, ouais. Si tu étais une langue. Le français. Oui. C'est la plus jolie des langues. Ah, c'est vrai. Si vous étiez. Si tu étais une époque. Une époque. Eh ben, je pense que j'aurais été bien ou avec Baudelaire ou avec. Putain. Rimbaud. Non. Ah putain. Hein, avec les pierres que vous me jetez. Je construis ma maison. René Char. Ah oui, René Char, oui. Et toi? Moi, je suis bien aujourd'hui parce que je trouve qu'il faut être heureux de ce qu'on a. C'est vrai. Et que je trouve que chaque époque a des choses belles et des choses moins belles. Et moi, j'ai envie d'apprécier. Ouais, mais je sais. En 2020, moi, je parle d'époque où la langue française avait quand même vraiment sa place. Ouais, et je pense qu'elle l'a. Et non. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est du texto. C'est il y a plein de mots qu'on remplace, qu'on a abandonnés. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein de jeunes poètes. Ah, voilà. Bois ton chéricot. C'était un mot. Je serais idéaliste. Ah ouais. Et toi? Je serais une montgolfière. Un mot? Montgolfière, tu sais. C'est le premier truc qui me vient. Si tu étais un aliment. Un aliment? Je serais la cerise sur le gâteau. Ah oui. Et moi, je serais la petite douceur. Oh, la petite douceur sous la cerise. Ah, voilà. J'ai dit entre le printemps et l'automne, mais je crois que je prendrais l'automne. Ouais. Pour les couleurs. Ouais, c'est vrai que c'est ouais, surtout en campagne. Ouais, ouais. C'est combien de temps de venir Une heure et demie. Oh. Ouais. Et toi, si tu étais une saison? L'automne aussi pour les couleurs, mais aussi parce que c'est la saison dans laquelle on rentre. Ok. Voilà. Ouais, non, puis en plus, je trouve que l'automne, t'as des plus longues soirées nocturnes. Les jours se rabaissent et ouais, c'est ça. Pour le symbole, c'est avec toutes ces couleurs, bah, c'est tout ce que tu as engrangé et qui fait la richesse de ce que tu es. Et puis c'est le repos de ton été un peu, tu vois. Bah, tu peux y réfléchir, tu peux y l'écrire, tu peux en faire des changements. Si tu étais un membre corporel. Un membre? Oui. Une partie du corps? Oui. La langue? Oui. De chez nous? Ben oui. Et toi? Les yeux. Ah oui. Les yeux, ouais. Que va-t-il devenir cet homme avec ses mots? Quel est son avenir caché sous son chapeau. Ça fait longtemps déjà qu'il arpente les rues, offrant tout ce qu'il a aux passants inconnus. Sur un bout de trottoir, il drague la poésie, il harangue l'espoir, raconte des bouts de vie. Dansant près de l'abîme, quand bien même il fait froid, en sculptant de ses rimes une guitare en vieux bois. Le monde d'avant, le monde d'après, laisse-moi écrire, c'est moi la craie. Le monde d'avant, le monde d'après, verra-t-il refleurir, et encore, s'il vous plaît. Va-t-il devenir seul sous son chapiteau à chercher les sourires et l'éclat des bravos, comme un clown sur la piste qui entend rebondir dans son cœur un peu triste l'écho du souvenir. Il s'en va dans le soir, il marche vers l'infini, raviver nos mémoires, nos désirs, nos envies. Il voudrait repartir, s'envoler bien plus haut, sentir encore le rire de la lune dans son dos. Le monde d'avant, le monde d'après, laisse-moi écrire, c'est moi la craie. Le monde d'avant, le monde d'après, verra-t-il refleurir, et encore, s'il vous plaît. Le cœur entre les mains, s'il ne peut plus offrir ces deux, trois petits riens. Murmurer des histoires dans le creux de la nuit, c'est sans doute dérisoire, ça fait bien peu de bruit. En jonglant, il avance le long de nos ruelles, fragile avec prudence, il maintient l'étincelle. En semant des cailloux, des pierres sur son chemin, et ses rêves les plus fous pour faire taire le chagrin. Le monde d'avant, le monde d'après, laisse-moi écrire, c'est moi la craie. Le monde d'avant, le monde d'après, verra-t-il refleurir, et encore, s'il vous plaît. Un moment de la journée. Toi, c'est le matin. Et moi, toi, t'es levé. Ah non, elle non, moi oui. Ah oui. Et moi, ce serait vraiment très tard dans le soir parce que je me couche très tard et j'adore être avec les étoiles et la lune. Ok, alors toi, tu es levé pour te coucher et elle doit se réveiller parce que. Ah non, non okay. Moi, je me couche très très très tard et je me lève très très très tôt. Alors tu dors pas. Je dormirai quand je serai mort. Ah oui, c'est ça que je me dis. Moi, je suis une marmotte. J'aurais bien le temps de dormir quand je serai mort, c'est quoi, ça, tu vois. Moi, je suis tournée dans 7 ans. Ouais, toi, tu es une marmotte. Ouais, je suis une marmotte, mais du coup, j'aimerais bien me lever plus tôt pour profiter du jour qui se lève. Alors, tu dors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, pas beaucoup, parce que j'ai des enfants, mais si je pouvais, je dormirais. Facilement 10 heures par nuit. Ah, peut-être pas, mais... Non, ouais, non mais quand tu la réveilles un peu trop, elle dit, c'est pas humain. Ah, c'est pas humain, c'est pas humain. Si tu étais un autre individu... Un autre individu? Oui. Allô. Je ne me suis jamais posé cette question-là. Hein. Bah, je pense que je serais... Ou... Jaurès. Oui, Jaurès. Ah ouais. Ou... plus un résistant Moulin. Ah oui. Jean Moulin, t'as la main. Ouais, ou Jaurès ou Moulin, quoi. Jaurès pour l'éducation populaire, pour la... et Moulin pour la résistance et la non-volonté de se soumettre. Ah oui. Et toi? Moi, je reste dans un cercle plus intime et familial, mais j'aurais bien voulu me mettre dans la peau d'un de mes ancêtres pour comprendre plein de choses. Mais t'es super terre à terre en fait. Choisir, est-ce que tu fais le même chemin? En fait, moi, oui, mon chemin, je ne l'ai pas choisi, tu vois. Moi, je suis né avec deux bras et tout. Ouais. J'étais cuisinier, j'avais mes affaires dans la restauration. Et puis, à 24 ans, j'ai eu un accident de moto. La vie, elle m'a tapé sur l'épaule comme ça. Elle me fait, mais qu'est-ce que tu fais, gars? Elle m'a fait dormir pendant 20 jours. Elle fait, tu remplis ton compte en banque, tu remplis tout, mais tu oublies d'habiller ton cœur, quoi. Et donc, franchement, j'habille mon cœur et je fais danser ma vie. Ouais. Et à choisir, je referai... Ah, tu as eu un grave accident? Ouais. Mais tu t'en es sorti vivant, c'est ça qui est... Vivant, et puis j'étais droitier, je suis devenu gaucher, j'étais... Ah, parce que t'as perdu l'usage de... Ah, oh, comme Jamel, ah, oh, comme Jamel. Pareil. Lui aussi, c'est un accident. C'est le même accident. C'est le même handicap. Vous étiez ensemble? Non. Mais du coup, voilà, j'ai eu un regard différent, j'ai eu la chance d'avoir les deux regards, tu vois. Et ouais, maintenant, je ferai la même chose. Tu mords dans la vie. Tu mords dans la vie. Ah ben bien sûr. Parce que tu as connu ce que c'était. Bien sûr. Quand tu embrassais la mort, tu ne veux plus la revoir. Ben non, c'est... c'est clair. Avant c'est le clair. Dernier point final. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Un genre de coma, ça fait beaucoup. Ouais. Et tu étais à Paris dans cet accident? Non, j'étais à Reims. Champagne et Pernay, quoi. Ah ouais, je connais. Moi, je suis allé à les vendanges à Champignon. À Champignon. Reims, c'est la plus vieille ville en France. Ouais, avec Clovis et le roi. Mais il n'y a pas beaucoup tout. De Québécois qui savent ça. C'est à force de visiter. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous avez beaucoup de choses à venir. Vous êtes sans fin. Moi, je pense qu'on... De continuer comme on est, c'est tout simplement. Quoi, de poursuivre. De notre petit bonhomme de chien, même des fois. Tu vois, des fois. Et de partager ce bonheur et de partager d'abord de l'humanité parce que de toute façon, on partira tous au pied devant. Ah oui. Tu vois, on vit pour mourir. Hein. On vit pour mourir. La mort, c'est la conscience de la vie. Quoi, tu vois. Et tant qu'on peut faire du bien autour de nous et que ça nous fasse du bien, et ben. La peine de se prendre trop au sérieux. C'est ça quoi, on n'est rien du tout quoi. On n'est absolument rien quoi. Alors qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter au groupe qui est devant moi? Bah pas plus. Pas plus? Les têtes à pied ne demandent pas plus. C'est déjà, ils sont déjà dans... Ouais mais nous on bosse, on est heureux, on n'arrête pas, quasiment tous les week-ends on est sur la route. Non, on rencontre des gens, on fait de la proximité, vraiment de la proximité. On va jouer des fois pour 3 francs 6 sous dans des endroits où il n'y a pas de sous, mais c'est pas grave, l'argent c'est pas ça qu'on emmène avec mais nous. Mais parce quoi, qu'on arrive à en vivre. Oui, parce qu'on arrive à en vivre à côté, qu'on a quand même des gamins à nourrir et qu'il faut... Ouais, c'est ce qu'on explique à nos enfants aussi, enfin, t'as pas besoin de... Voilà, on n'est pas riche, on n'est pas pauvre. Non, mais c'est quand même une chance incroyable de vivre de sa passion. Oui. Ça, c'est un lingot d'or. C'est pour ça. Tu te lèves le matin et tu fais ce que t'aimes et t'es pas c'est obligé d'avoir un c'est pour ça que j'en aurais pas moins ni plus. Tu vois, je pense que voilà, on vit de notre passion, de ce qu'on aime. On se fait plaisir, on fait plaisir aux gens. Ouais, c'est voilà, ça. Quoi. Quand tu chantes tes chansons, vous voyez le sourire des gens, tu dis, oui. Je fais ça pour ça. Hein. Tu sais, nous, j'arrive avec des problèmes. Tu sais comment on a débuté? On a pris l'accordéon, le sac à dos. On a fait le tour de France à pied, on a fait la rue, et on chantait des chansons dans la rue. Et quand tu vois, que les gens s'arrêtent et qu'ils mettent des sous dans le truc et qu'ils sont pleins, c'est que ben voilà, c'est que. Le message est passé, on va peut-être aller plus loin avec ça. Ouais, c'est ça, c'est que ce que tu fais, c'est pas pourri, quoi, non, tu vois. Non, c'est ça. Quand tu touches quelqu'un, moi j'ai toujours dit que l'important, c'est pas de toucher des millions de personnes, c'est la personne. Bien sûr. Au moment où elle a. Capter quelque chose. Bah, c'est ça, bien sûr. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un peu notre rôle d'artiste quand même aussi. Oui, donc, voilà. Et on l'oublie souvent, ça, les méga vedettes l'oublient. Mais bah, oui. Quand tu touches quelqu'un, tu es dans une salle de 20 personnes, même si ça peut en contenir 50, et que tu vois au fond qu'il y en a un qui est là. Mais bien sûr. Et ça nous est arrivé des fois dans des plans, parce qu'on a eu, comme tout le monde, des plans super durs où tu as genre 10 personnes et tu fais ton concert et tu as l'impression que waouh, tu vas arrêter tellement c'est dur. Et là, tu as une personne qui vient te parler. Ah ouais, voilà. Et c'est... qui te dit tout ce que ça lui a apporté. Et là, tu dis, bah ok, on continue. Et ça nous est arrivé plusieurs fois, des moments où vraiment tu as l'impression que tu n'en peux plus, quoi. Et il y a une personne que tu as vraiment touchée, et du coup, tu retrouves le sens et tu dis, allez, j'y vais, quoi. On dirait que c'est un ange qui sort du lot. C'est ça. Ouais, abandonnez pas. Voilà. Non, je suis là pour vous dire. Là, ça nous est arrivé quelques fois. Et puis après, il y a aussi des fois les enfants, quoi. Moi, il y a une petite fille comme ça qui m'écrit régulièrement, qui s'est mise à faire de l'accordéon. À cause de toi? Oui. Ouais. C'est magique, quoi. Ou grâce. Ah oui, mais ouais, ça doit faire plaisir. Ah oui, ouais, c'est vraiment super. Mais toi, l'accordéon, est-ce que tu travailles souvent? Non, je ne suis vraiment pas une grande accordéoniste, moi. Okay. Voilà, c'est un outil pour m'accompagner. Ouais. Voilà. Mais tu fais très bien, comme tu connais tes textes, tu peux improviser un peu aussi. Mais ça, c'est pareil. Moi, j'ai aussi accepté. Au début, c'était compliqué pour moi parce que je voyais des super musiciens qui jouaient super bien et je ne me sentais pas légitime. Et maintenant, j'ai accepté de faire bien ce que je fais, même si c'est simple. Et qu'on ne me demande pas plus, en fait. Alors, quand on joue avec le contrebassiste et la violoncelliste, c'est génial. Ah oui. Ça amène du relief. Est-ce que vous le faites souvent? Ça veut être difficile? Dès qu'il y a des sous. Okay, voilà. Ouais. Tu vois? Non, pas chaque fois. Parce qu'on ne fait pas travailler les gens gratuitement. Ça peut-être, on aimerait bien. Tourner à plus à... Ouais, à trois. Voilà, à quatre. À quatre, oui. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais vous demander? Ou ça m'a discuté quelque chose sur m'était venu. Ça m'arrive souvent d'oublier. C'est bon signe. J'essaie de ne pas oublier ça. Mais en tout cas, écoutez, on se souhaite le meilleur. Mais c'était une belle rencontre. Et puis l'écho va se rendre à Québec, à CKRL, ce sera diffusé. Ah ouais. En vain, je cherche mes racines, à défaut je les imagine. J'avance sur des sables mouvants, bien plus fragiles qu'une enfant. À se détruire, à vouloir fuir, à se noyer dans un sourire. La vie n'est-elle qu'un feu de paille où l'on avance, vaille que vaille. En vain, je cherche mes racines, sur cette terre qu'on assassine. Pareil qu'on est tous orphelins, mais je voudrais savoir où sont les miens. Le sang qui coule dans mes artères a des saveurs bien étrangères. Ne me demande plus d'où je viens, j'ai dû m'égarer en chemin. À ramasser dans les décombres des lambeaux de mémoire qui sombrent. Y a pas d'histoire à raconter, on apprivoise l'obscurité. Sommes-nous d'ailleurs ou bien d'ici? L'humanité, c'est notre patrie. Sais-tu quand revient le printemps? On l'attend depuis si longtemps. Au bout du monde, elle est bien loin, la terre promise. Dis-moi, dis-moi, c'est où qu'on va poser nos valises? Dam da dam da dam da dam da dam da dam da dam da dam da dam da dam da dam. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.